Je ne suis qu'un homme, pas tout à fait comme les autres, j'avoue. Mais de vous à moi, je m'en fous. Je ne sais pas cacher mes joies, mes peines, parfois j'admets. Mais si vous m'aimez, je me plais. Certains souvent me voient comme le fou du roi, pas très malin et maladroit. Pourtant, je préfère être ce fou chantant. Je suis un homme qui prend et qui donne et qu'on me pardonne. Si ce que je suis vous étonne, je suis d'un autre temps, j'avoue que j'aime autant. Et si mes larmes coulent, c'est que je suis certain que l'on me voit comme le fou du roi, pas très malin et maladroit. Pourtant, je préfère être ce fou chantant. Je ne suis qu'un homme, peu banal en somme, un gentilhomme. Et mon cœur n'a pas peur du bonheur. Parfois c'est vrai je pleure, souvent d'amour me meurt. Mais si je souffre encore, c'est que je suis certain que l'on me voit comme le fou du roi, pas très malin et maladroit. Pourtant je préfère être ce fou chantant. Je suis un homme, et sous mon armure, mes airs de gros dur, je cache au monde mes anciennes blessures. Et sous ce masque blanc, vit toujours cet enfant, insouciant et charmant, qui refuse de devenir grand. Je suis bien trop naïf, bien souvent émotif. Mais si mon cœur palpite, c'est que je suis certain que l'on me voit comme ce que je suis, un fou du roi, un maladroit, que l'on m'aime, même si je reste fou chantant. Je suis un homme.